flic et de leur descente, pas besoin d'un guide. Je résiste seul, garde ma haine pour les racistes et les faux qu'insistent. Quand l'art passe pour du vandalisme, vandalise. Devine qui vient foutre la merde dans ton rap, 1800, c'est. On est là, prêt à cramer sur un sang lourd. Faire bouger les têtes sans rien attendre en retour. Me fous du reste, espère que tu sens qu'on est sincère. Pas pour les espèces frères, juste pour l'atmosphère. On trop être flow, et puis d'empter la rime comme un poète fou. Minette slow, pas dans mon team, on drague seulement des blocs gros. Comme le cul de Jello, y'a trop de PD sans sel qui se croient sur un vélo. Conseil, tourneur pas le dos. 360 degrés autour de moi, regarde ce qui se passe dans le temps. Ceux qui se lassent, sans presse et pas le temps. Tant de galère dans le rap, ce que je rapporte, rien ce que j'apporte. Alors 1800, mon crew, mon sang, ce qui coule dans mes veines. L'adrénaline du chant des sirènes, en clair ce qui fait mes scènes, je suis dans mes scènes. Et on est tous là, tous les mêmes, tous les mêmes. Impliqués selon les règles, on est tous les mêmes. Avec nos choix, nos conditions, toutes les mêmes. Les mêmes qui poussent à l'extrême, les mêmes scènes, ouais, tous les mêmes. Le même sang comme emblème, impliqués selon les règles, on est tous les mêmes. Avec nos choix, nos conditions, toutes les mêmes. Les mêmes qui poussent à l'extrême, les mêmes scènes, ouais, tous les mêmes. Le même sang comme emblème. Oh mais tu crois que tu kiffes, pas le cas plein de chèques. Une chaque du rap, pas le chèque. Dans des airs du rap suisse kiffe. Quand les petites frappes vivent, les vrais savent qui sauve la scène, scène, c'est hip hop, ouais. Je suis encore là, c'est déjà bon signe. J'ai mes idées peu pour les consignes. Survivre heureux, en quoi ça consiste? À mettre nos têtes sur internet et faire des bons sites. En fait, je préfère écrire et faire des longs speeches. J'ai mon paramètre, parmi tous combien sort par mois. Tous partent de moi, les mots j'ai dans la vie. De ce qu'il y a dans ma ville. Pour moi le rap c'est tout, la femme l'instru, c'est moi la mort. Gratuit, y'a plus que les rêves et les coups dans le dos. J'ai choisi 1800, y'en a pas tant d'autres. En permanence piégé dans le doute, j'aimerais faire sans faute. Sans qu'on arrête de tarder les soirs et que 1800 puisse garder l'espoir. Indéfini comme le vent, jamais à contre-temps, seul contre tous. C'est le bordel dans le garnison, à gare tout le temps. Et si c'est garde et garde 10 ans, c'est pas la faute au rap, mais à des textes sans conviction. Depuis le premier jour, la vie je l'improvise. Pour faire bien rien que je préconise, là à l'improviste. Les trois quarts du temps défait, une vie en victoire et défaite. Regarde mon image, celle d'un jeune homme caché dans le rap. Qui voit qu'autour ça dérape, beaucoup d'appelés, peu d'élus, faut qu'on les passe à la trappe. T'as vu le mouvement s'enlise, les embrouilles sont de mise. Lorsque les lames s'aiguisent, même les fantômes se déguisent. On reste méfiant, vu l'image qui se fond, nous fondus dans la masse, noyés dans les procédures. Tu veux m'expliquer ce que c'est beau, c'est dur. Même si je te dis que c'est la merde, chaque jour c'est la même. Impliqué selon les règles, on est tous les mêmes. Avec nos choix, nos conditions, toutes les mêmes. Les mêmes qui poussent à l'extrême, les mêmes scènes, ouais, tous les mêmes. Le même sang comme emblème, impliqué selon les règles, on est tous les mêmes. Avec nos choix, nos conditions, toutes les mêmes. Les mêmes qui poussent à l'extrême, les mêmes scènes, ouais, tous les mêmes. Le même sang comme emblème. Véridique au rap des goûts, tous les mêmes. Véridique au rap, tous les mêmes. Too hot to handle, tous les mêmes. Too cold to hold back. C'est pour toute la femme, LC1 et 6-1. Que nos plumes saignent, coma et qu'on soigne. Tout ça la même enseigne avec nos seuls arts. Une simple feuille, un crayon comme Macadam. Frère d'art, frère d'art. On taffe quand les gens dorment, emmerde les gendarmes. Mes frères savent les faire taire grave et ça hors norme, que ce soit énorme. Et de faire sauter les barrières du son avec les partenaires du mic. On est à terre, tu crois qu'on est prêt à se taire. Merde, est-ce pour qui on n'a pas l'estime? On va pas se flinguer comme en Palestine. Quoi que maintenant tu sais avec les wack, ils savent plus quoi inventer pour faire péter les watts. Ils se mettent même à chanter comme Matt, dire qu'ils font les comebacks. Enfin bref, c'est comme d'hab. Enlève les Nike, on est tous pareils. La haine au mic, on a tous la même. Pour l'oublier, on boit des packs, dépense nos salaires. L'air de se passer le temps, mais en fait merde. Ici faut se casser trop, pour se faire entendre. Faut être patient, pour graffer le train, il faut l'attendre. Je dis mort à la souffrance, il faut la pendre. Peu importe d'où je viens, du moment que tu m'entends, vas-y écoute bien. En 2002, on va faire tous bien. Impliqués selon les règles, on est tous les mêmes. Avec nos choix, nos conditions, toutes les mêmes. Les mêmes qui poussent à l'extrême, les mêmes scènes, ouais, tous les mêmes. Le même sang comme emblème, impliqué selon les règles, on est tous les mêmes. Avec nos choix, nos conditions, toutes les mêmes. Les mêmes qui poussent à l'extrême, les mêmes scènes, ouais, tous les mêmes. Le même sang comme emblème, contre le pouvoir et la flicaille, on est tous les mêmes. Je fais pas ça pour les femmes, toutes les mêmes. Mon frère, comment tu penses?